Je voudrais retrouver ma 19e année et la rue de Douai et le studio Vaquer et ton petit visage à la porte vitrée, les danseurs qui couraient dans l'escalier de fer, la place de Clichy et le Gaumont Palace. J'aurais dû deviner que c'était important, le temps de boire un verre, de s'offrir une glace, et tout était changé, foutu, mort ou mourant. Si j'avais su, j'aurais, tiens, arrêté nos montres. C'est vrai qu'on n'avait pas de montre en ce temps-là. Enfin, n'importe quoi, pour que notre rencontre ne passe pas si vite. Un tour et puis voilà, j'aurais volé la caisse au roi des coquillages. On aurait cavalé dans la rue d'Amsterdam. La gare est juste en bas, deux billets pour une plage. Oh, celle que vous voudrez, Tourville. La petite alouette, aussi paumée que moi, tu te cachais la tête dans le creux de mon bras. Oh combien je regrette, oh combien je regrette tout ça. Tu n'avais que 15 ans, on se serait fait poursuivre, mais glissant dans leurs mains comme deux fantomas, on se serait endormi dans un grand lit de cuivre en secret, tout au fond d'un vieil hôtel de passe. On se serait fait piquer, bien sûr. Quelle importance! La prison, ça fabrique aussi des souvenirs! Mais non. Je te disais, c'est peut-être ma chance, je dois rencontrer Schmoll. Tu me laissais partir. Je t'aimais, je t'aimais, je t'aime encore, ma douce. Mais j'étais jeune et con, et maintenant bien vieux. Chemin de la jeunesse, jamais ne se repousse. Pourtant, on est encore face à face tous deux. C'est que je suis le lierre, si toi tu es l'église. Même si tu m'arraches et que je tombe à bas, même si tu me brûles et que je lâche prise, méfie-toi que demain je ne repousse pas. La petite alouette, aussi paumée que moi, tu te cachais la tête dans le creux de mon bras. Oh combien je regrette, oh combien je regrette. Où ça? Où ça?